le défauts de Fanchon me fait maigrir la grogne. Son air froid engourdit ma désolée parfois. Tiens, nous avons été par trop vite en besogne. Margoute convient mieux. C'est bien dit, je le crois. Je m'accommoderai de Fanchon à merveille. Prends-t'en. Va, comme, allons. Le changement de l'éveil.